René Crevel, 1830. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. La ligne droite va trop vite pour éprouver quoi que ce soit chemin faisant. Elle atteint tout de suite son but et de son triomphe même meurt, et sans avoir jamais pensé, aimé, souffert, joui. La ligne brisée, elle, ne sait pas ce qu'elle veut. Ses caprices hachent le temps, martyrisent les routes et, de leurs angles, lancèrent les fleurs soyeuses, crevèrent les fruits paisibles. Pour la ligne courbe, c'est une autre chanson. La chanson de la ligne courbe s'appelle « Bonheur ». Ainsi, de toutes les années de l'ère chrétienne, 1830 fut la meilleure à vivre. Sur 4 des chiffres qui la désignent, 3 étaient ronds. Bonne joue et taille fine, 8 fait la révérence. 3 est le chiffre d'amour, non parce qu'il comptait les éléments indispensables à toute histoire sentimentale, mais ces deux boucles ressemblent comme des sœurs d'écriture à celles des cheveux dont les femmes du siècle dernier avaient toute une provision pour faire cadeau à leurs amants. Dans le cercle son symbole, 0 est la plus consolante image du néant, puisque par le vide il nous donne notion de l'infini. 1830. Le romantisme, imperméable dans son désespoir aux grands mots, aux belles phrases, comme l'œuf dans sa coquille, n'était pas alors moins rond que le fond du chapeau de forme d'Alfred de Musset, pas moins rond que le périmètre des crinolines, le dôme des chignons, les globes des seins et des épaules, le soir parmi les volants de mousseline, pas moins rond que la bouche même des pistolets, qui, une nuit au moins, donnèrent aux jeunes hommes de ce temps espoir d'une mort altière, et qui, la tentation grandiloquente passée, faisaient si bien sur une cheminée près d'une sépia au cadre rond. 1830, la seule année où la foudre est daignée tomber en boule de feu et rouler sur la terre. 1830, les ballons montent dans le ciel, les pommes s'allument plus luisantes aux arbres des campagnes. 1830, les ivrognes, pour 365 jours, ont renoncé à leur classique zigzag et décrivent sur les trottoirs des courbes savantes. 1830, la France combine une révolution pour avoir un roi plus rond, Louis-Philippe, un roi dont le nom dans les bouches fait le même bruit que les tonneaux roulant sur les pavés. 1830. Elles sont toutes rondes aussi, les fleurs qu'Athénaïs cueille dans son jardin. Athénaïs est une jeune fille qui a la bouche en cœur et se promène en donnant le bras à un jeune garçon du voisinage Agénor. Athénaïs parle sans arrêt, et Agénor, parce qu'il n'a jamais une seconde pour placer un mot, trouve qu'elle a vraiment beaucoup d'esprit. Mais soudain, que signifie ce carillon? Agénor interrompt la bavarde. Athénaïs? Agénor? Athénaïs ne marche pas, elle glisse. Athénaïs sait prononcer joliment le nom de son cavalier. Athénaïs roule des yeux ronds. Puissance du charme féminin. Agénor oublie ce carillon qui l'a fait sursauter. Agénor se trouve stupide, mais parce qu'il croit qu'il est amoureux, il essaye de devenir éloquent. Athénaïs, cueillons des pivoines rouges pour votre vase d'opaline bleue. Révérence d'Athénaïs, nouveau carillon. Agénor sent qu'il perd la tête. Il ne serait pas étonné qu'elle se détachât de ses épaules, vint rouler au pied de la promeneuse sa compagne sur le gravier fin. Il porte les mains à son cou, sans doute pour voir si elle y est encore solidement assujettie, et parce qu'Athénaïs le regarde dans le blanc des yeux, pour cacher son trouble, il lui demande si elle veut bien devenir sa femme. Une rose cache une bouche, dont, sans doute, mieux vaut ne pas voir le sourire. Puis c'est un oui tout rond, le vrai oui de bonheur. Agénor et Athénaïs le soir de leurs noces. Le buste d'Athénaïs émerge des dentelles du cerceau. Agénor pense aux chevilles, aux mollets, aux jambes de l'épousée, à ses jambes qu'il n'a jamais vues. Ô Maud, un noble garçon conduit à l'hôtel une vertueuse demoiselle, et il ne sait même pas quelle est la forme de ses membres inférieurs, de celle qui, désormais, portera son nom. Mais pourquoi Agénor, tandis que lentement Athénaïs achève de se dévêtir, pourquoi Agénor se rappelle-t-il, avec cette obstination, l'histoire de la cloche de Saint-Grégorien ? Une nuit, le battant de cette cloche disparut, le diable seul sait comment. Au matin, attaché à la corde et n'entendant pas le moindre bruit, le sacristain se sentit devenir fou. Il parcourut le pays et cria qu'il serait damné pour avoir sonné l'Angélus du silence. L'Angélus du silence, mais l'Angélus de l'amour. Athénaïs, sur quel air ce soir le jouerons-nous? L'Angélus de l'amour. Athénaïs rit, remue sa crinoline, carillonne. Agénor croit qu'il a épousé une sonnette. Sa qualité de mari, grâce au ciel, lui donne droit de vérifier ses soupçons, même les plus invraisemblables. Sa main vise les jambes d'Athénaïs sous la robe, mais la mariée Minaude veut s'échapper. Il la poursuit, l'attrape par sa jupe, déchire ses cerceaux. Dans un grand fracas, Athénaïs s'effondre. Horreur et damnation. Agénor s'explique le carillon, sa gêne, sa peur. Athénaïs n'a qu'une jambe, une seule jambe pendante au milieu du corps. Le jeune époux saura-t-il jamais se consoler? Déjà les chevaux sont scellés, départ dans la poussière. Les habitants de ce petit village croient qu'ils ne sauront jamais pourquoi, depuis plus de 50 ans qu'elle est venue échouer parmi eux, Athénaïs s'obstine à porter des crinolines, jusqu'au jour où, quasi centenaire, après le passage d'une troupe de saltimbanques où se montrait une femme unijambiste, oublieuse de son habituelle réserve, elle pirouetta sur un pont et se fit, d'un coup de rein, choir dans la rivière. Héberlués, les paysans laissèrent flotter la noble dame, dont les jupes s'épanouirent sur un beau tintamarre. Les yeux hagards, dans un bruit sans cesse amplifié, elle descendit jusqu'à la mer, au Havre, heurta un voilier de bois précieux qu'elle fit chavirer, et s'en vint échouer au pays des banquises, où, dit-on, elle fut béatifiée par un évêque, nain et lapon.